الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته قصصا عديدة متنوعة عجيبة هي أحسن القصص أصدقها وأنفعها فيها دروس وعبر قال جل وعلا في كتاب الكريم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولو أن أهل الإسلام أقبلوا على قصص القرآن والسنة لوجدوا فيها كفاية لتلذذت بها النفوس لتلذذت بها نفوسهم ولانشرحت بها صدورهم كيف لا وإنها من وحي السماء ومن هذه القصص العظيمة العجيبة ما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا سبحان الله قتل 99 نفسا أي رجل هذا الذي بلغ من الإفساد أن سفك هذه الدماء أن سفك هذه الدماء وأدخل على هذه الأسر الحزن فهكذا بعض النفوس الشريرة كما وصفها الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فلا غرابة إذا سمعنا في هذه الأيام عن أناس يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ والشبان فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي عابد لكنه جاهل فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له توبة فقال لا فقتله وكمل به 100 هذا الرجل ندم وأراد أن يتوب إلى الله وأن يصلح من نفسه وأن يصلح من نفسه ومن طريقته فسأل عمن يعينه على توبته وعلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وهكذا أهل الشهوات والمنكرات يذنبون ويكثرون يذنبون ويكثرون يتلذذوا ليتلذذوا ويتمتع بالمحرمات والمنكرات ففيما يرضي الشيطان ويسخط الرحمن، ثم بعد فترة تضيق صدورهم وتدركهم ذل المعصية، لا راحة لهم ولا طمأنينة بل غم وحزن. يا عباد الله، السعادة الحقيقية هي في معرفة الله. يا عباد الله، السعادة الحقيقية هي في طاعة رسول الله، في طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون. أما من لم يقتنع بالحلال وأقبل على الحرام وتمسك بالشهوات والمحرمات فحاله كما قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذه هي حالة أهل المعاصي. هذا العابد أفتى بغير علم وتكلم في دين الله بغير علم، لم يذكر من وحي السماء شيئا، ولم يذكر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وكاد أن يضل الرجل لولا أن الله سبحانه وتعالى حفظه وهداه بعد ذلك ما سيأتي في الحديث. وقد ابتليت هذه الأمة بعلماء السوء ويفتون بغير علم، متعالمون جهال يضلون خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يبصرون الخلق بنور الهدى، لا بآيات من الكتاب ولا بأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا جزاء من تكلم في دين الله بغير علم، قتل الرجل هذا الجاهل، عظم ذنوب هذا المذنب ولم يعظم رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، فأحسن التعامل مع هذا المذنب، عامله بالرفق وباللين بالحلم والحكمة، قوى رجاءه في الله وفي مغفرته، علمه من هو الله أرحم الراحمين، التواب الرحيم، الودود، اللطيف، الشكور سبحانه وتعالى. وهكذا اتصف بصفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما قدر الله حق قدره، فمهما كثرت الذنوب فرحمة الله سبحانه وتعالى أوسع، فمن ذا الذي يغلق باب التوبة للعباد؟ وأعظم الذنوب مع الشرك الكلام على الله بلا علم، كما أفتى هذا الجاهل في هذا الحديث، وكان ما نسمع في أيامنا هذه: وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلقد ابتليت هذه الأمة بعلماء السوء وبالجهال وبالمتعالمين يضلون خلق الله ولا يبصرونهم في دين الله، يغشونهم ولا ينصحون لهم. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالكلام على الله والتقول عليه في دينه بغير علم من أعظم الذنوب والمعاصي، والله المستعان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهور هؤلاء المفسدين بعد موت العلماء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ثم سأل الرجل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال: إنه قد قتل 100 أو 100 نفس فهل له من توبة؟ فاسمعوا إلى جواب العالم الذي يتكلم بنور الله وينصح للخلق. قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة. سبحان الله، هذا الجواب المسدد الموفق. ثم قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. سبحان الله، ما قنط الرجل من الدخول في رحمة الله، وهذا دليل، هذا دليل على صدق توبته، سعى إلى مصلحته. فمن أراد التوبة والإصلاح عليه أن يسعى وأن يبذل السبب ويطلب الإعانة من أهل العلم النصحاء الصالحين حتى يتخلص من ذنوبه. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عباد الله، تأملوا فتوى هذا العالم الموفق، وهكذا علماء الشريعة من أهل السنة والجماعة ممن رسخت أقدامهم في العلم الشرعي، كيف جعل الله سبحانه وتعالى في كلامهم النور والبركة والخير للعباد والبلاد. كيف لا وهم يتكلمون بوحي الله سبحانه وتعالى؟ هذا العالم استعمل الرفق، استعمل اللين، استعمل الحكمة، لم ينفر الرجل، جاء طلبا لمغفرة الله فهداه إلى ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فهكذا الذي ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، يجب علينا أن نوقر أهل العلم العلماء وأن نعرف حقوقهم وأن نحسن الظن بهم وأن نرجع إليهم وأن نطلب العلم عندهم وأن ندافع عنهم وعن أعراضهم، هذا الواجب علينا. فهم يبصرون الناس إلى طريق الجنة، إلى طريق مغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم إن هذا العالم أرشده إلى ما يعينه في توبته، وهو عدم العودة إلى أرضه. نصحه بمفارقة بيئة الفاسدة وجلساء السوء، فمن أراد أن يصلح من نفسه عليه أن يفارق أسباب الفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فانطلق الرجل حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. الله أكبر، هذه عبرة لأولي الألباب وموعظة عظيمة. ما أن توجه إلى الأرض الطيبة إلا أدركه الموت. فيا من يفكر، فيا من كثرت ذنوبه وهو داء وعنده داء طول الأمل، اعتبر بقصة هذا الرجل. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. هذه والله صفة التائبين، أن يرجع إلى الله بقلبه وببدنه ظاهرا وباطنا. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى أي أقرب فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. أخرجه البخاري ومسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى توبة نصوح، وأن يحسن خاتمتنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Il n'est pas permis de parler pendant le discours de l'imam le vendredi. Il n'est pas permis de parler pendant le discours de l'imam le vendredi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre béni Al-Qur'an Al-Karim, a cité de nombreuses histoires, des récits qui se sont passés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au temps des prophètes avant lui. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté de nombreux récits dans lesquels il y a des leçons et des exhortations pour les gens doués d'intelligence. Et si les musulmans avaient médité ces histoires, ils n'auront nullement besoin, ils n'auraient nullement besoin de se diriger vers les autres contes et les nombreuses fables. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction, il y a certes dans les récits une leçon pour les gens doués d'intelligence. Les récits du Coran, les récits de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs récits, les plus éloquents, ceux qui affectent le plus le serviteur d'Allah, les plus en conformité avec la réalité. Et parmi ces récits qu'a raconté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, afin d'éduquer sa communauté, afin qu'on en tire de nombreuses leçons, l'histoire de l'homme qui avait tué 100 personnes, l'histoire d'un homme qui a tué 100 personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, un homme des générations passées, dans une version de Banu Israël, a tué 99 personnes. Imaginez cela, un homme qui a atteint un niveau de désobéissance tel qu'il a ôté l'âme et fait couler le sang de 99 personnes. Et cela est comme Allah nous dit dans le Coran, certes l'âme est incitatrice au mal. Donc ne t'étonne pas d'entendre aujourd'hui certaines personnes qui font couler le sang de femmes et d'enfants dans de nombreux pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réforme cette situation. Puis, cet homme a regretté. Il a voulu se repentir. Et pour ce fait, il a recherché l'aide de personnes savantes. Il s'est donc dirigé vers un groupe de personnes et leur a demandé, « Indiquez-moi qui est la personne la plus savante sur cette terre. » Ces derniers l'ont orienté vers un moine, vers une personne qui avait beaucoup d'adoration. Mais il était ignorant de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc parti le voir et lui a dit, « Oh un tel, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux encore me repentir ?» Et il lui a dit, « Non, tu ne peux pas te repentir. » Alors cet homme s'est mis en colère et l'a assassiné. Il a complété ainsi le nombre de 100 meurtres. Wal'iyadu billah. Cet homme était venu pour se repentir. Il avait regretté ses agissements. Mais l'ignorant, parmi les dévots, avec sa parole l'a mise en colère, il l'a donc assassiné et a recommencé ce péché. Puis, à nouveau, il a regretté. Et c'est ainsi qu'on voit que la plupart de ceux qui désobéissent à Allah, se cramponnent à ce bas monde, lui désobéissent. Il y a ceux qui commettent l'adultère, ceux qui consomment les boissons enivrantes, il y a ceux qui commettent le meurtre, ceux qui consomment de l'usure, et beaucoup d'autres péchés. Et wallahi, que tous ces gens-là font cela à la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur dans ce bas monde, et ils ne le trouveront jamais dans cette voie. Tu vois ces derniers regretter au final, ressentir une grosse chaleur dans le cœur, et ils se rendent à l'évidence que jamais ils ne goûteront au bonheur. Ils ont désobéi à Allah au début pour avoir le bonheur, puis ils ont désobéi à Allah pour se soigner de ce malheur. À l'image de la personne qui est dépendante de l'alcool ou de la drogue. À l'image de la personne qui vend de la drogue, qui fréquente des femmes dans le haram et qui mange de l'usure. Ces gens-là ne trouveront jamais le bonheur, car le bonheur est dans le chemin d'Allah. Car le bonheur se trouve auprès d'Allah et Allah nous a enseigné le chemin qui y mène. Et c'est pour cela qu'il a révélé le Coran et a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous montre le chemin du bonheur dans le Coran en nous disant « Celui qui fait de bonnes actions, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, nous le ferons vivre une bonne vie, une vie paisible, une bonne vie, et on le rétribuera selon les meilleures actions de ce qu'ils ont fait. Par contre, celui qui se détourne de la voie d'Allah, il aura à vivre, comme Allah nous dit, une vie pleine de gêne, et il sera ressuscité le jour du jugement dernier aveugle. Dans ce bas monde, il ne trouvera pas le bonheur. » Et dans l'au-delà, ce qui l'attend est bien pire. Puis méditez, chers frères, sur la parole, sur la vie juridique de cet ignorant. Regardez les effets des avis juridiques erronés dans la religion d'Allah. Regardez les effets de parler dans la religion d'Allah sans science. Cet homme a perdu la vie. Cet homme a perdu la vie. Il a jugé avec sa raison. Il a pensé que ce qu'il connaissait lui-même était meilleur que ce qu'Allah avait révélé. Il a pensé que ce qu'il allait juger avec sa raison était meilleur que ce qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu que cet homme qui a commis 99 meurtres n'avait plus de place dans la miséricorde d'Allah. Il a immensifié son péché et a oublié que la miséricorde d'Allah était plus vaste que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Il a oublié qu'Allah Azza wa Jal accepte le repentir du serviteur, quelle que soit l'étendue de ses péchés. Il lui a donc dit non, tu ne peux pas te repentir, et a perdu la vie. Voici la conséquence de parler dans la religion d'Allah sans science. Quel que soit le nombre de tes péchés, chers frères, sache que la porte du repentir est ouverte, et qu'elle ne se ferme pas pour toi tant que le soleil ne se lèvera pas de l'autre côté. Ou tant que tu n'atteindras pas à l'agonie. Le pire péché de parler dans la religion d'Allah sans science. Allah nous dit, ne suis pas ce dont tu n'as pas de science. Certes, l'ouïe, la vue et les cœurs seront amenés ou seront questionnés, c'est-à-dire le jour dernier. Et dans un autre verset, Allah nous montre que le pire péché est le fait de parler d'Allah sans science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé des personnes qui viendront. Et wallahi laqad ra'aynahum wa sami'nahum. Des gens qui viendront et ces gens les a vus, on les a entendus. Après la mort de nombreux savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes Allah n'enlève pas la science en la reprenant des serviteurs. Mais il la reprend en faisant mourir les savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants, alors les gens prendront des ignorants à leur tête. Ces derniers seront questionnés et répondront sans science. ils s'égareront et égareront les autres. Ils s'égareront et égareront les autres. Wallahu musta'an. Puis, cet homme, après avoir regretté, a réitéré sa question et a demandé la personne la plus savante sur ce bas monde. Cette fois-ci, on l'a orienté vers un savant. Vers un savant de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui a dit, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que je peux toujours me repentir? Il lui a dit, certes. Et qui est-ce qui pourrait se mettre entre toi et se repentir? Regardez la sagesse de ce savant. La douceur de ce savant. L'intelligence de ce savant. Et on voit ici la véracité de cet homme dans la recherche du repentir. Car il ne s'est pas découragé. Mais il a emprunté tous les moyens pour parvenir à son but, la miséricorde d'Allah et son pardon. Ce savant lui a dit, tu peux te repentir. Va dans tel endroit. Tu y trouveras des gens qui adorent Allah d'un culte sincère. Adore Allah avec eux. Et ne reviens jamais sur ta terre. Car c'est une terre qui est mauvaise. Une terre sur laquelle quelqu'un peut tuer 100 personnes. On lui interdit pas le mal, on lui recommande pas le bien. C'est que c'est une mauvaise terre. Donc il lui a ordonné de faire l'hijra. L'égir. Méditez la fatwa de cette personne. De cette personne à qui Allah a accordé la réussite dans sa réponse. De cette personne qui a parlé avec science, avec clairvoyance, et qui a été la cause d'un grand bien pour ce serviteur. Comme c'est le cas des savants de la sunna. Ceux qui parlent avec qala Allah, qala Rasulullah. Et non pas ceux qui, lorsqu'on leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela, ils te disent, oui mais un tel a dit. Oui mais chez nous ils font comme ça. Oui mais nos ancêtres étaient comme ça. قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. Voici l'excuse de Kuffar Quraysh. Ne ressemblez pas à Kuffar Quraysh, mais ressemblez plutôt aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui lorsqu'ils entendaient une chose disaient Sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous obéissons. Ce savant a utilisé la sagesse et la douceur. Il ne l'a pas repoussé de la miséricorde d'Allah. Mais il a plutôt développé cette miséricorde d'Allah dans son cœur en lui apprenant qui est Allah. Donc le premier chemin pour celui qui veut se corriger, c'est d'apprendre qui est Allah. Quelle est la perfection d'Allah? Quelle est la vasteté de la miséricorde d'Allah? Et combien de pardons Allah vous a préparé? Combien de pardons Allah Azza wa Jalla a préparé pour ceux qui vont se repentir? Nas'Allah yuwaffiqana ila tawbatin nasuh. Puis, il lui a donné les causes pour réussir pleinement son repentir. C'est de se séparer des mauvaises fréquentations et de quitter cette terre où il y a de nombreuses désobéissances. Car la personne, si elle ne s'éloigne pas des mauvaises fréquentations et si elle ne change pas d'endroit, cela va lui rappeler ses péchés. Celui qui, par exemple, arrête de fumer, il lui faut délaisser les endroits où les gens fument. Celui qui arrête de fréquenter les femmes et qui se dirige vers la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et le mariage, il lui faut s'éloigner des endroits où il y a la turpitude. Wahalumma. Donc ce savant lui a conseillé de s'éloigner des mauvaises fréquentations et des mauvais endroits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'homme est sur la même religion que son ami intime. Alors, regardez bien, qu'est-ce que vous choisissez en ami? Puis l'homme s'est dirigé vers cette terre, s'est dirigé vers le bien, pour compléter son repentir. Mais à mi-chemin, la mort s'est présentée à lui. À mi-chemin, il est mort. Subhanallah. Il y a dans cela une grande exhortation pour nous, chers frères. Quant au fait de ne pas repousser le repentir, et de ne pas dire, lorsque j'atteindrai tel âge, je ferai telle chose. Comme ceux qui disent, lorsque je vieillirai, je ferai le hajj. Ou lorsque j'aurai tel âge, je pourrai me repentir et observer le chemin de la droiture. Cher frère, qu'est-ce qui t'a garanti que tu sortiras de cette mosquée vivant? Qu'est-ce qui te garantit d'écouter le khutbah avant que l'ange de la mort ne vienne récupérer ton âme? Fal bidarul al bidar. Donc il nous faut nous précipiter vers Allah Azza wa Jal, nous sauver vers Allah et nous repentir sans plus tarder. Allah étend ses mains le jour pour accueillir les repentirs de ceux qui commettent des péchés la nuit. Il étend ses mains la nuit pour accueillir les repentirs de ceux qui ont commis des péchés le jour, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'autre côté. C'est alors que les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se sont disputés cette âme. Car si tu as une bonne âme, les anges de la miséricorde viennent avec l'ange de la mort pour la récupérer. Et dans le cas contraire, ce sont les anges du châtiment qu'Allah nous en préserve. Alors les anges de la miséricorde ont dit, cet homme est venu repentant vers Allah, en se dirigeant vers lui avec son cœur. Les anges du châtiment ont dit, mais il n'a jamais fait de bien. Certains savants ont dit, c'est-à-dire après s'être repenti, il n'a fait aucune bonne action. D'autres ont dit, c'est-à-dire qu'il avait très peu de bonnes actions. Alors Allah a envoyé un ange sous l'apparence humaine qui leur a dit, vous allez mesurer son corps de l'endroit d'où il vient jusqu'à l'endroit d'où il venait. Et mesurer son corps jusqu'à l'endroit où il voulait aller. Et de l'endroit duquel il sera le plus proche, les anges appartis pourront le prendre. Ils ont donc mesuré cette distance. Et ils ont trouvé que son corps était plus proche de l'endroit où il voulait aller d'un empan. Dans une autre version du hadith, Allah a ordonné à la terre d'où il venait de se rapprocher. Ou plutôt de s'éloigner. Il a ordonné à la terre où il voulait aller de se rapprocher. Ils ont donc trouvé qu'il était plus proche de la terre qu'il visait. Alors Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés. Et ce sont les anges de la miséricorde qui ont récupéré son âme. Subhanallah. Ma awsa'a rahmatallahi tabaraka wa ta'ala. Combien est vaste la miséricorde de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. La personne qui souhaite se repentir doit méditer ce hadith. Cher frère, tu n'as pas tué 99 personnes. Et tu es dans la meilleure communauté. La communauté du meilleur livre, du meilleur prophète. Alors ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Apprends à connaître ton Seigneur. Délie-toi des chaînes des péchés, de la lourdeur, de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers la légèreté de la foi et de son délice. Et le délice de la foi, ainsi que sa douceur. Et sache que quel que soit le nombre de tes péchés, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est plus vaste et plus grande. Et ce Seigneur vers lequel tu te diriges, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus miséricordieux. C'est le tout miséricordieux. C'est celui qui est bon et affectueux, il est reconnaissant. Il accueille le repentir, se réjouit de ton repentir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وقل لعبادي الذين أسرفوا قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا الله يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل وسلم على نبينا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف أمهاتنا واشف آباءنا واشف آباءنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم.